Psaume 87. Psaume de cantique des enfants de Corée. Sa fondation est dans les saintes montagnes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que tous les tabernacles de Jacob. Ce qui se dit de toi, cité de Dieu, sont des choses glorieuses, c'est là. Je ferai mention de Rab et de Babylone entre ceux qui me connaissent, voici la Palestine, et Tyr, et Chu. Celui-ci, disait-on, est né là, mais de Sion il sera dit, celui-ci et celui-là est né, et le souverain lui-même l'établira. Quand l'Éternel enregistrera les peuples, il dénombrera aussi ceux-là, et il dira, celui-ci est né là, c'est là. Et les chanteurs, de même que les joueurs de flûte, et toutes mes sources seront en toi.